Dossier 4, livre page 42. L'enseignant demande aux élèves: quel moyen de transport tu préfères utiliser pendant les vacances, toi, Fadi? Le vélo. Le bus. L'avion. Le vélomoteur. Le bateau. Le train. La voiture.